En marchant dans la rue, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai pris la vie à bras le corps aussi. C'est une question d'habitude. La vie c'est une bouteille vide qui se remplit jusqu'à ras-bord au rythme de l'ennui. Allez viens, ne te mine pas. Si je donne la vie, je donne la mort, tant pis. Allez viens, viens, ne te mine pas. J'ai tout perdu, je marche dans la rue. C'est en marchant dans la rue que j'ai tourbillonné. Oh ouais, oh ouais, le vent du sud boxe les âmes éperdues. C'est dur la vie quand on a tout ce qu'il faut, qu'on se réinvente une vie de fou révolutionnaire. Oh ouais, oh ouais, le temps perdu à ressasser le passé entre les quatre murs de ma cellule. Si seulement j'avais su. Allez viens te ressaisir. Je perds ma vie, je marche d'où je suis. Allez viens, viens, viens sans réfléchir. J'ai tout perdu, je marche dans la rue. Les poches, j'en avais les moyens, les billets verts me réchauffaient. La vie, les filles, c'est comme ça qu'elles réfléchissent. C'est comme ça qu'elles réfléchissent. C'est comme ça qu'elles réfléchissent.